Bienvenue à Mélomanes sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ FM ou encore en direct sur CFNJ.net de partout dans le monde. Mathieu Lajoie au micro en ce 22 février 2020. Merci d'être au rendez-vous, content de vous retrouver ce soir et d'ailleurs, gros merci pour la semaine passée pour notre spécial hommage à Feu Neil Peart. On se fera pas de cachette, c'est un spécial assez pointu, on aime ou on n'aime pas, mais en contrepartie, les fans étaient au rendez-vous. J'ai été agréablement surpris du nombre d'amateurs de Rush qui étaient à l'écoute et qui ont pris le temps de m'écrire pour me faire part de leur appréciation. Très content de ça. C'était vraiment dans l'optique d'abord et avant tout que j'avais préparé ce petit spécial hommage, faire plaisir aux fans. Et d'ailleurs, en passant, je dis pas assez souvent, si vous avez manqué des trucs ou que vous voulez faire partie d'une communauté d'amateurs de la musique, tout ça de manière interactive, ben allez adhérer tous autant que vous êtes au groupe Facebook Mélomanes, écrit en majuscule. Ça coûte rien puis ça vous garantit bien du plaisir. Puis gênez-vous surtout pas pour donner un coup de pouce à l'émission en partageant le groupe en question sur les réseaux sociaux. On commence à être beaucoup et sky is the limit. Et vous pouvez toujours écouter une émission que vous avez manquée sous l'onglet rediffusion sur la page de CFNJ, cfnj.net. Mais là, vous vous en doutez, quand il y a des émissions spéciales assez pointues, comme la semaine passée, on contrebalance ça avec un beau « Oh, qu'est-ce qui se passe? » Mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? On va arrêter ça. On contrebalance ça avec un beau varié format classique qui commence comme suit au 99.1 et 88.9 CFNJ. not heaven glory, but on your face is a different story. Clean up your rap, your story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. Can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funky-eyed and a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old thing. You never change, always rapping about the same old thing. Something to tell you, I got something to tell you, baby, but you ain't hip to, baby. Blowing minds is a thing of the past. You blew your chance, that's why you never last. You wanna be a graduated mother, but in reality you're just another brother. You think you slick, but you could stand a lot of greasing. The things you do ain't never really pleasing. Can't believe nothing you say, 'cause I'm around to see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of bull weavers. Same old game, same old thing. Your favorite conversation, but peace and love is a famous generation. What's in your head is really started showing. Your conversation is getting kind of boring. Can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old game. Same old thing. happy day. Oh, happy day. Oh, a happy day. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Les gens rêvent de voyages organisés. Ils collectionnent des images. Moi, je préfère voir les fleurs pousser. Je prends mon temps, moi, je prends mon temps. Je prends mon temps, moi, je prends mon temps. Les gens courent après l'amour, sans le voir quand il est là. Moi, je laisse pas passer mon tour, quand il arrive tout près de moi. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Les gens foncent dans leur voiture, moi je flâne sur les quais. Ils se cassent la figure, moi je vois les filles se balader. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Quand j'ai envie d'une fille, je ne joue pas les Don Juan. Je lui dis je te trouve gentille, mais rassure-toi, j'ai tout mon temps. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Les gens courent au cœur des villes, moi j'ai su quitter Paris. J'ai débarqué dans une île, c'est de là que je vous écris. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Je prends mon temps, moi je prends mon temps. Moi je prends mon temps, j'ai tout mon temps. Rien ne vous empêche d'en faire autant. Je prends mon temps, j'ai tout mon temps. Rien ne vous empêche d'en faire. Toutes les moineaux qu'il suivait. Quand j'étais petit, quand mon casque pis mon tire-poids, les batailles avec les Anglais, c'était le temps où les tramways passaient. Méloman, ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9 avec ce cher Plume et un beau petit bijou un peu moins connu, comme il y en a tant dans la discographie de M. Latraverse, Michel de son prénom, mais semble-t-il qu'il n'aime pas ça se faire appeler comme ça. Ça vaut vraiment la peine de fouiller dans son œuvre parce qu'il y a plein de petits trucs comme ça. Une pièce qui s'appelle Anecdote qu'on pouvait retrouver sur l'excellent Pomme de route album qui a fait conjointement avec Cassonade, alias Stephen Faulkner, celui à qui on doit « Si j'avais un char », tout ça avec une intro de guitare qui est pas sans nous rappeler un petit Blackbird des Beatles. Et ça suivait ici le toujours étonnant Henri Salvador avec encore une fois une petite découverte de 1967 avec « Moi, je prends mon temps ». Et c'est probablement pour ça qu'il nous a quittés à un âge quand même assez vénérable d'ailleurs. Sinon, on a été du côté plus gospel des choses avec un gros classique du genre, soit Oh Happy Day, qui faisait déjà partie du répertoire gospel depuis un bon moment quand Edwin Hawkins et ses chanteurs vont décider de la sortir en 45 tours en 1969. Et les gens d'à peu près mon âge vont fort probablement l'avoir connu suite à son inclusion dans le fameux film Rock'n'Roll 2 ou Sister Act en version originale en 1993. Une version qui était chantée merveilleusement bien par Ryan Tobey. On écoutera peut-être cette version-là, un de ses quatre. Et c'était précédé de la seule et unique Nina Simone qui nous offre toujours une expérience bien particulière. On l'a entendu dans une prestation live incroyable de 1974 avec Funkier Than a Mosquito's Tweeter qui nous provient originellement du répertoire de Ike et Tina Turner. C'était d'ailleurs la face B du 45 tours de leur fameuse version de Proud Mary reprise de Creedence Clearwater Revival alias CCR, et le tout amorcé par quelque chose qui vous a peut-être rappelé le California Love de Tupac Shakur et de Dr. Dre. Ben c'est parce que c'est de là que le beat vient, et oui, c'est le sample qu'on a entendu, l'inimitable Joe Cocker avec Woman to Woman de 1972. Tout ça au 99.1 et 88.9 sur les ondes de CFNJ. The best things in life are free, but you can give them to the birds and bees. I want money. That's what I want. Such a thrill, but your love won't pay my bills. I want money. That's what I want. That's what I want. That's what I want. Don't get everything, it's true. What it don't get, I can't use. I want money. A movie star, I'll give a ticket to a Hollywood. But if you wanna stay angel, then you know I love. I got pictures, candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, babe, I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman, but now I'm sure you know that I love you, love you, need you, hate you, won't you. I got to have you, great God in heaven, you know I love. God in heaven, you know I love you. CFNG. c'est toujours à Méloman que ça se passe ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1, 88.9 avec un petit mood cowboy qui vient de clore le bloc qu'on vient de déguster ensemble. Il y en a sûrement qui vont avoir reconnu le style incomparable du compositeur Ennio Morricone qui a fait la part du lion des musiques des films dits de Western Spaghetti, parce que majoritairement réalisé par l'Italien Sergio Leone, qui est à l'origine des plus gros classiques du genre, dont Il était une fois dans l'Ouest, Once Upon a Time in the West, et je me risque même pas au titre en italien, film de 1968, qui va faire partie d'une espèce de trilogie avec Il était une fois la Révolution, qu'on appelle aussi DocuSucker ou A Fistful of Dynamite. Il était vraiment pas décidé sur le titre pour celui-là. Et Once Upon a Time in America avec Robert De Niro et Joe Pesci, qu'on a pu voir plus récemment dans The Irishman, que je vous conseille vigoureusement. Mais bref, 1968, Il était une fois dans l'Ouest, duquel on a entendu le thème du Cheyenne, du personnage du Cheyenne qu'on appelle Adieu à Cheyenne ou Adio à Cheyenne, ou Farewell to Cheyenne, chose qui suivait encore un peu cowboy, même si c'est un stretch avec Desperado de 1971, une grande oubliée du répertoire d'Alice Cooper, une chanson qui a pourtant paru sur l'album Killer, facilement un des albums les plus importants de la discographie d'Alice Cooper, et qui a quand même réussi à faire son chemin jusqu'au premier Greatest Hits aussi. Donc, première compilation officielle sortie d'Alice Cooper. Donc, on y redonnait son heure de gloire ce soir, juste après un petit doublé qui partageait le même thème, soit celui des Ides de Mars, qui font référence au 15 mars de l'an 44 avant Jésus-Christ, où Jules César s'est fait assassiner. Et c'est un terme qui va peu à peu devenir un synonyme un peu de malchance au fil du temps, peut-être un peu plus du côté anglo-saxon des choses. Et à preuve, ben, on a entendu The Ides of March, le groupe. Non, c'est pas vrai, on a entendu The Ides of March plutôt, la pièce instrumentale qui ouvrait l'album classique Killers du groupe Iron Maiden en 81. Un titre d'album qui n'est pas sans nous rappeler l'album d'Alice Cooper dont on vient tout juste de parler. Et Iron Maiden qui était précédé ici d'un groupe qui s'appelait The Ides of March, le groupe avec Vehicle de 1970, une chanson qu'on associe souvent en tort à Blood, Sweat and Tears, qui avait aussi des cuivres et qui était populaire à peu près à la même époque. On peut aussi penser à Chicago, qui avait aussi beaucoup de brass dans le même temps aussi. Et notre bloc qui avait commencé avec la célèbre version des Flying Lizards de Money, That's What I Want en 1979. Originalement, un vieux classique de Motown, composé par Berry Gordy, Smokey Robinson, si je ne m'abuse, d'une chanson chantée et interprétée par Barrett Strong 20 ans plus tôt, donc en 59, une chanson que même les Beatles vont reprendre quelques années plus tard, vraiment un des premiers hits de la boîte Motown. On risque de faire un spécial Motown, ceci dit, je vous annonce en primeur. Et nous, mais c'est pas fini, Desperado, Cowboy, et puis là, on y va pour les Cactus au 99 et 99, CFNG. Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Dans la vie, il y a des cactus. Moi, je me pique de le savoir. Aïe, aïe. Bouille. Aïe, aïe. Dans leur cœur, il y a des cactus. Dans leur portefeuille, il y a des cactus. Sous leurs pieds, il y a des cactus. au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. So far away. Yeah, you're so far away. nothing else to do but close my mind. I sure hope the road don't come to own me. There's so many dreams I've yet to find, but you're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. And it doesn't help to know you're so far away. Yeah. Thank you. D'un ciel partiellement nuageux sur la Nozière, au courant de la nuit, température minimale entre moins 6 et moins 5 degrés. Généralement nuageux aussi jeudi, pourrait avoir quelques percées de soleil maximum de moins 1 à 1 degré. Et vendredi, bah, encore une fois, journée nuageuse, maximum de moins 1 à 0 degré. Température sur la Nozière, moins 2 degrés à Saint-Michel, c'est 0 degré à Joliette. CFNJ 99. Et toujours à Mélomane avec une fin de bloc qui rockait un peu plus avec un classique Free Bird avec Lynyrd Skynyrd qui sont arrivés très fort avec leur premier album en 1973. Un album sur la pochette duquel le groupe avait eu l'idée d'insérer une version phonétique de leur nom pour le prononcer. Pronounced Lynyrd Skynyrd et non pas Lynyrd Skynyrd. Et le groupe aura pas une très longue carrière parce que ça va se finir malheureusement en tragédie en 1977 avec un crash d'avion qui va coûter la vie à plusieurs membres du groupe. Mais ils vont laisser leur marque. La preuve, c'est qu'on les a entendus ce soir juste après une grande dame de la chanson qui va pondre des hits à profusion dans les années 60. Mais pour d'autres, des trucs comme Locomotion pour Little Eva, Grand Funk, Railroad et Kylie Minogue plus tard, You Make Me Feel Like a Natural Woman pour Aretha Franklin, Will You Still Love Me Tomorrow des Shirelles qui était son premier hit. Mais là, Carole King, en plus de tout ça, va arriver sur la scène plus folk des années 70 avec un album, entre autres, qui va devenir un très gros hit et sur lequel elle va réinterpréter quelques-uns de ses vieux succès, mais elle va surtout nous arriver avec une batch de nouvelles chansons magnifiques. Cet album-là, c'est Tapestry, sorti en 1971. Et la chanson qu'on a entendue, c'est So Far Away, qui suivait ici The Clash avec The Guns of Brixton de London Calling en 1979. Un des premiers groupes anglais, en fait, qui vont aller chercher l'inspiration en Jamaïque, ce qui va beaucoup influencer la scène punk originale UK et plus large aussi parce que The Police vont faire la même chose presque au même moment, un petit peu plus tard. Et parlant de punk, ben un proto-punk, un punk avant le temps, on a entendu Jacques Dutronc avec Les Cactus de 1967. Et là, on parlait de Motown tantôt. Ben, j'espère que vous êtes prêts, parce que les Temptations, eux autres, ils sont prêts. Tout ça au 99.1 et 88.9, CFNJ. Cause here I come, and I'm bringing you a love that's true. I've been drifting on the sea of heartbreak, trying to get myself ashore for so long, for so long. Listening to the strangest stories, wondering where it all went wrong for so long. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Used to spend my nights out in barroom, liquor was the only love I'd known. But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back. Yeah. Far gone. You're as smooth as Tennessee whiskey. Like your love to get me high. whiskey. Thank you. dum da dum, dum dum da dum, dum dum da dum, dum dum da dum, dum dum da dum, dum dum da dum, dum dum da dum, dum dum da dum, dum dum da dum, dum dum da dum. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu. Nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Mon cœur est grand. Je suis douce comme l'eau. Et je suis tendre, tendre, tendre, tendre. Pour mes amants, je suis la fleur dans leur cerveau. Le temps est bon. Je ne savais plus entendre, je ne savais plus. Voici que je regarde, que j'écoute et que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps. Et toujours à Méloman ce soir sur les ondes de CFNJ 89.1-88.9 avec un classique bien de chez nous qu'on vient d'entendre, composé par nul autre que Stéphane Venn, qui est à l'origine de plusieurs airs que vous connaissez peut-être sans le savoir. Et c'est Isabelle Pierre qui nous chantait ça en 1971. Le temps est bon, chanson intemporelle. S'il en est une, qui était aussi le thème du fameux film Les Mâles de Gilles Carl, avec ce cher Donald Pilon, qu'on se remémore, habillé en pizza pour une annonce de McDonald's. Bref, dans les années 90, si je ne m'abuse. Et juste avant, vous avez sûrement reconnu ce thème qu'on peut entendre inlassablement tous les après-midi à la télévision depuis un nombre incalculable d'années. Il s'agissait de Nadia Steam, qui est devenu le thème du roman Savon. D'entre les romans Savon, j'ai nommé The Young and the Restless, alias Les Feux de l'amour, avec ses intrigues sans fin depuis toujours. Mais c'est une composition, cette pièce-là, de Barry DeVorzon et Perry Botkin Jr. Il y en a pour dire qui ont composé ça en 1971. Plusieurs penchent plus en faveur de 1976. Je vais vous dire, ben honnêtement, c'est pas très clair. Je fais quelques recherches, on s'entend, pour cette émission-là. Je dis pas ça, tout ça on top of my head. Mais là, des fois, on tombe sur des petits trous noirs comme ça. C'est pas très clair non plus, c'est l'association que certains font avec le nom de la pièce et Nadia Comaneci, qui avait fait sa fameuse routine de gymnastique aux Olympiques de Montréal en 76 au Stade Olympique, on s'en souviendra. Comme si Nadia aurait fait sa routine sur le thème en question. Mais c'est pas vrai du tout. Il suffit d'aller voir sa performance sur YouTube. C'est vraiment disponible. En fait, la rumeur en question viendrait d'un montage qu'ABC avait fait la même année avec le Nadia's Team sur leur montage. Bref, toute une histoire pour une pièce que tout le monde connaît. Quand même une très belle pièce quand on s'y arrête, puis qu'on arrête de juste penser au feu de l'amour. C'est quand même une pièce musicale qui a été composée indépendamment de tout ça. Et qu'on a entendu juste après le countryman Chris Stapleton avec sa version définitive de Tennessee Whiskey de 2015. Une chanson originalement enregistrée par David Allan Coe en 1981, et par George Jones 2 ans plus tard, mais dans les dernières années, c'est vraiment Stapleton qui a marqué l'imaginaire avec sa version un petit peu plus R&B. Vous irez écouter les autres de David Allan Coe, George Jones, ça n'est pas vraiment de la même manière. Donc, c'est vraiment lui qui a marqué l'imaginaire avec sa version R&B qu'on a pu entendre juste après la magnifique Hold On, d'Ian Gum en 79. Ian Gum, qui est aussi celui qui, avec Nick Lowe, a composé le fameux hit Cruel to be Kind. Et les seuls et uniques Temptations, juste avant ça, avec Get Ready de 66, que, si je ne m'abuse, en 70, Rare Earth vont reprendre. Mais là, on avait la version originale. Still Motown avec un des groupes avec les Four Tops qui sont vraiment au sommet des groupes les plus connus de l'écurie Motown. Et comme je vous disais tantôt, un petit spécial qui s'en vient bientôt. Et là, on s'en va ailleurs. C'est Joni Mitchell qu'on écoute au 99.1 et 88.9 CFNJ. The wind is in from Africa. Last night I couldn't sleep. Oh, you know it sure is hard to leave here, Carrie, but it's really not my home. My fingernails are filthy, I've got beach tar on my feet, and I miss my clean white linen and my fancy French cologne. Oh, Carrie, get out your cage, Carrie, get out your cage, and I'll put on some silk. I'll put on some silk. Oh, you're a neat old daddy, but I like you. Come on down to the Mermaid Cafe, and I will buy you a bottle of wine, and we'll laugh and toast to nothing and smash our empty glasses down. Let's have a round for these freaks and these soldiers, a round for these friends of mine. Let's have another round for the bright red devil who keeps me in this tourist town. Come on, Carrie, get out your cage. I'll put on some silk. I'll put on some silk. Oh, you're a mean old daddy, but I like you. I like you, I like you, I like you. Maybe I'll go to Amsterdam, or maybe I'll go to Rome and rent me a grand piano and put some flowers around my room. But let's not talk about fare-thee-wells now. The night is a starry dawn, and they're playing that scratchy rock and roll beneath the mantle moon. Come on, Carrie, get out your cage. Carrie, get out your cage. Put on some silk. I'll put on some silk. You're a mean old dad, but I like you. The wind is in from Africa. Last night I couldn't sleep. Oh, you know it sure is hard to leave you, but it's really not my home. said, oh, you're a mean old daddy, but you're out of sight. Et 88.9 CFNJ. C'est Méloman avec Mathieu Lajoie. Sing. Homeless, homeless, moonlight street, the one on Midnight Lake. Homeless, homeless, moonlight street, the one on Midnight Lake. Homeless, we are homeless. The moonlight sleeping on a midnight lake. We are homeless, homeless, homeless. The moonlight sleeping on a midnight lake. See all yummy, see all yummy, see all yummy, see all yummy. I'm so simple, see all yummy, see all yummy, see all yummy. I'm gonna see all yummy, see all yummy. Strong wind, strong wind, strong wind. Many that tonight could be you. And we are homeless, homeless, homeless, homeless. Moonlight sleeping on a midnight lake. Homeless, homeless, homeless, homeless. Moonlight sleeping on a midnight lake. Homeless, homeless. Moonlight sleeping on a midnight lake. Somebody say. Somebody sing, oh, hello, hello. Somebody sing. Somebody cry, why, why. Somebody sing. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing. Somebody cry, why. Somebody sing. Heed your mama. Heed your mama. Yes, I know, I know. Somebody say, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody say, somebody cries, why. Somebody say, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody say, somebody cry, why. Kulumane, kulumane, kulumane siswe. Singenze njani, bayajabula basithanda. Thank you. Et toujours à Mélomane sur les ondes de CFNJ 89.1-88.9 avec un petit doublé sud-africain. Peter Gabriel avec son hommage à Steve Biko, qui était un activiste anti-apartheid mort en 1977. Peter Gabriel qui, par le fait même, commence aussi à avoir un intérêt grandissant pour la musique africaine. On va pouvoir s'en rendre compte plus tard dans sa carrière avec ses collaborations avec Youssou N'Dour, entre autres. Mais là, on était sur son troisième album solo en 1980. On va sûrement parler de cet album-là parce que c'est un album assez charnière. 1980, et par défaut, ça va être un album qui va donner son son aux années 80. On va assurément reparler à l'émission de ça. Chose qui suivait le groupe Ladysmith Black Mamba Zoo en compagnie de Paul Simon en 1986, le fameux album Graceland avec une pièce qui s'appelle Homeless. Magnifique, magnifique pièce. Un album Graceland que j'espère que vous avez entendu une fois dans votre vie, encore une fois. Et complètement ailleurs, juste avant, avec Mère Morte, classique d'entre les classiques instrumentaux québécois avec les Jaguars, qui sont originaires du lac Saint-Jean et du Saguenay. Vraiment intemporel comme pièce. Les Jaguars, qui étaient une espèce de groupe un peu à la Ventures, on pourrait dire un peu les Ventures surf québécois. Je sais pas si on peut faire du surf sur le lac Saint-Jean. Ça doit dépendre de la houle. Bref, une pièce qui suivait la seule et unique Joni Mitchell. Joni Mitchell, artiste canadienne, dans sa tendre jeunesse en 1971 avec Carrie de l'album Blue, qu'il faut écouter une fois dans sa vie si c'est pas déjà fait. Et moi, ben, c'est déjà là-dessus que je vous laisse. On se donne rendez-vous pour un autre Mélomane mercredi prochain, 20h. Mais je vous laisse quand même avec un beau petit Neil Young, 99 ans, et au 88.9 CFNJ. Bonne nuit. You wanna play?